À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, il y a eu le 1er juin une conférence au comité de solidarité des indiqués autrichiens pour la réunification pacifique de la Corée. Le conférencier a parlé des exploits des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il pour la réunification coréenne et a indiqué que la déclaration commune Nord-Sud du 15 juin est un jalon historique pour réunifier la Corée en toute indépendance par voie pacifique et au moyen de la Grande Union nationale. Il a souligné que le Parti du Travail de Corée, conduit par son Excellence M. Kim Jong-un, finira par réunifier le pays suivant la demande et les intérêts de tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer.